du vol de l'oiseau qui se laisse aller dans les airs. En deçà des rumeurs de l'eau et des bruits d'hier. Car tout se sème et tout s'oublie dans le tumulte des soins. Faut vieillir la fantaisie, le monde. Mais personne n'arrive à comprendre la terre où la vie m'a posé. Personne ne cherche à entendre ce que l'autre sait. Se croisent les inconnus qui ont tout appris et tout lu. Tout s'apprend et tout s'oublie dans la froideur indifférence. Et je reste seul à mourir la suffisance. Des oiseaux, des nobles de complaisance. En deçà des rumeurs de l'eau, mûre de silence. Car tout s'apprend et tout se tait dans l'hypocrisie trop féconde qui nourrit en grosse l'abcès le monde. Personne n'arrive à comprendre la terre où la vie m'a posé. Personne ne cherche à entendre ce que l'autre sait. Se croisent les inconnus qui ont tout appris et tout lu. Car tout s'apprend mais tout s'oublie dans la froideur indifférence. Je reste seul à mourir la suffisance.